Thank you. Comment de te détacher. von Raphael Marionneau. Enjoy abstrait. Enjoy the music. Au cœur de la mer, cet archipel a survécu au cataclysme. Ils l'ont secoué au cours des millénaires. C'est un Éden au parfum de soufre. Né du feu, cette île en a conservé la nature. Elle est vivante, unique et sans âge. l'archipel a survécu au cataclysme. Ils l'ont secoué au cours des millénaires. C'est un Éden au parfum de soufre. Née du feu, cette île en a conservé la nature. Elle est vivante, unique et sans âge. Ici, les hommes et les dieux se partagent le monde en parfaite harmonie. Final. Zeit einfach stehen bleibt. Wenn sich die Stille langsam über das Land legt, dann ist es Zeit für Enjoy Abstray. Mit Raphael Marionor. Enjoy. Enjoy the music. Thank you. Musik.